piège tes vues, t'es mignonne. Tu sais comment ça va se terminer. T'es mimique, j'aime, je like. C'est pas de ma faute, le problème c'est ma raison, toujours ma raison. Ma raison, toujours ma raison. J'vais pas te montrer toute ma vie, elles sont là par intérêt. Dans mon Cayenne avec Vitente, Tigo, toi c'est que dans tes rêves. Pas d'à peu près, je vise dans le mille. Tout ce que je vais dire, je lui dis direct. C'est toi ma woman. Et quand je dis ça, ça te plaît. Oh, que des flocons, ils font que d'inventer.